Un journal iranien et une revue chinoise ont traité spécialement le 5e anniversaire du décès du grand dirigeant Kim Jong-il. Le journal Iranus a inséré le 5 décembre, avec le portrait du dirigeant coréen en sourire, un article sur ses exploits immortels accomplis pour approfondir les idées du Juche et l'idée du Sungun créée par le président Kim Il-sung, fondateur de la Corée socialiste, de sorte que les Coréens poursuivent invariablement la voie de l'indépendance, du Sungun et du socialisme. La revue de Hong Kong de Chine, Relations internationales du mois de novembre, a présenté, avec le portrait en sourire du dirigeant Kim Jong-il et les photos de Kim Jong-il et de Kim Jong-un, les articles sur les espoirs immortels du dirigeant Kim Jong-il, qui a consacré tout pour la prospérité nationale et le bonheur du peuple.